Que siehst du? Que siehst? C'est des que siehst. C'est des questions à choix simple. C'est pas des à choix multiples. C'est des que siehst. Ah, mais c'est des questions avec la QCS, c'est tu tires ou on tire dessus. Il y a taïah et taïah. Mais quel est le ligament entre le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur? Quel est le ligament extra-synovien intra-articulaire? Les deux intra-articulaires. Intra-synoviennes, les deux. Les deux. Les deux intra-articulaires, intra-synoviennes. Difficile, hein? Les deux, monsieur, intra-articulaires, intra-synoviennes. Les deux. Intra-articulaire, intra-synovial. Les deux intra-articulaires. Oui. Oui. Ou les deux intra-articulaires. Les deux intra-articulaires. Oui. Et les deux intra-articulaires. Les deux intra-articulaires, oui. Oui, je dis oui. Oui. Quel est l'élément extra synovial? Mais les deux intra-synoviales. Les deux intra-synoviales. Les deux intra-synoviales. Non. Ah, parce que là, on a un synovial d'une articulation. Il est extra-synovial, intra-articulaire. Vous devriez le connaître. Le ligament croisé postérieur, il est intra-articulaire, intra-synovial. L'antérieur, il est intra-articulaire, extra-synovial. Qu'est-ce que ça veut dire intra-articulaire? Articulaire, articulation, capsule. Tout ce qui est à l'intérieur de n'importe quelle capsule, c'est intra-articulaire. Par contre, la synovial, c'est un pléca qui va encercler le tendon. Donc, le ligament croisé antérieur qui va l'encercler comme un étui, mais il reste toujours extra-synovial. C'est-à-dire il le suit comme ça, il vient, il le suit pour la nutrition, il part. Mais il reste toujours extra-synovial, intra-articulaire. Donc le ligament croisé antérieur, il est extra-synovial, intra-articulaire. Le mot intra-articulaire, dans toutes les articulations, ça se sent à l'intérieur de la capsule. Très très bien. Une autre question. Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Quel est le mécanisme de blessure du ligament croisé antérieur? Est-ce que c'est un mécanisme contact ou non contact? Le mécanisme le plus fréquent. Non contact, rotation, je pense. Je vais vous montrer ce que ça veut dire contact et non contact. Un footballeur qui dribble et un footballeur qui est talqué. Qui est agressé, qui est frappé. Par son passion. Il est taclé par son passion. Est-ce que c'est un mécanisme contact ou non contact? Quel est le mécanisme le plus fréquent? Qui connaît dribbler, monsieur? Non contact. Non, très bien. Donc 70% des mécanismes des lésions du ligament croisé, c'est à l'inverse que les gens imaginent. Les gens imaginent que la population, ou même la population sportive, ils croient à tort que c'est l'adversaire qui a engendré la rupture du ligament croisé antérieur de Ronaldo, ou la de Zidane avec les Égyptiens, ou la de Yibda, en tout cas, non, c'est pas l'examen que je fais. Donc tout ça, c'est. Voilà, t'as tous, je sais pas. T'as des cafes. Hein? T'as des cafes, Réa, Fria. Donc tout ça c'est des éléments, c'est non contact, c'est lors du dribble, c'est lors du dribble et des changements brusques de direction, c'est elle qui rentre le ligament croisé antérieur. C'est des éléments de stabilité, pas de mobilité. Et lorsque le ligament ne suit pas le mouvement, il se rentre. Mais pas le, la, mais pas, attends, mais il faut que vous compreniez ça. Mais pas l'adversaire. Un tour. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous avez terminé les questions, je pars.